D'après le Nam News de Corée du Sud de 12 courants, l'armée sud-coréenne a livré depuis ce jour les exercices sous-marins avec les troupiers américains au barrage de l'île de Guam au Pacifique. Les bellicistes sud-coréens prétendent augmenter à travers ce simulacre prévu pendant 3 semaines la capacité face à la soi-disant menace de provocation du sous-marin du Nord. Ils sont mobilisés les sous-marins et patrouilleurs de l'armée sud-coréenne, les sous-marins et contre-torpilleurs de la marine américaine et beaucoup d'autres armements militaires.